Je vends la moule à couleur Homer. Ma daronne mange toujours pas de homard. Au poignet, j'ai toujours pas ma Audemars. Je fais du bif et je fais parler les commères. Et si j'inverse, j'ai toujours pas le merco. Je peux pas reconnaître visage d'hypocrite, vu qu'ils sont bons qu'à parler dans mon dos. Je suis génération sniper pris pour cible. 09, je vends la pure. Elle veut payer en nature. Tu parles de neuf, mais là-dessus. Si t'es l'impact, tu l'as duré. J'suis le patron, fais le plus. J'peux t'envoyer des gens tués. Si j'ai besoin, m'aideras-tu? J'en doute donc, j'te mets sur le côté. J'suis pas trop dans le mat, tu veux. Changerai pas pour une niaralée. Allez, salope! J'ai grandi à rue du crime. J'détaille la C dans la cave. J'ai le choix donc j'fais le tri. Aucun bouffon à ma table. Kilo blanche fond, y'a sans couleur. J'peux prendre du fer pour mon honneur. Y'a pas de malheur qu'une absence de bonheur. Y'a pas d'alheur, tu vas payer en heure. C'est DLVira, ils veulent jouer les Tony. Tu fais le bonhomme ailleurs à se vanter un Tommy. Tu fais le fou dans tes clips devant l'OPJ, tu vomis. Te laisse pas longtemps pour que je vienne te chercher dans ton lit, salope. Si Charles le bain, tu vas galoper. J'ai besoin que tu ne bois, je vais pas te louper. Saladjan, y'a un reposant, paix. Balle entre les deux yeux, tu verras mieux. Élevé à la dure, pas d'élevé d'amier. Élevé à la dure, pas élevé d'amier. Ils veulent ma peau. J'connais ces fils de pute, ils veulent ma peau. Ils vont tous venir manger dans ma paume. Sur moi j'ai mon calibre, ils veulent ma peau. 3 heures en bas de chez toi, il me faut ta peau. J'ai du midi milieu pour le bénéfice. On les a jamais vus, ils s'en vendent des vies. J'ai vu les vrais quand y'avait pénurie. J'ai fait déménager tous mes ennemis. J'suis dans le noir mais j'ai billet vert. J'ai kilo calé dans la pitette. Elle croit que en la baisant, j'lui ferai goûter à la vie de rêve. On fait pas la guerre avec un 6-35. On est 36 contre 5. J'ai des grands frères, grands zincs. Mais je les appelle pas quand y'a de là. 40 mètres, la frappe est cadrée. Arrivage de frappe qu'à 40 mètres. Un seul mort refroidi 40 mètres. La balle est partie, elle est cadrée. J'ai la 09, j'ai la R. Avec mon œuf, on fait la paire. J'suis en plein BGV, avenue en paire. Ce vrai BDT qui veut me faire. J'ai pas le temps pour tes ragots, fils de pute. Ils sont pas solides, ils vont porter plainte. Minuit, j'vais payer le bosseur et le but. J'ai rencontré mes peurs et vaincu mes craintes. J'ai des amis en moi et des rides en plus. J'ai des amis en moi et des rides en plus. J'suis dans des balles réelles, j'ai que des balles réelles. J'suis dans des balles réelles, j'ai que des balles réelles. J'suis dans une sacrée salade, il me faut deux avocats. Attends, j'termine avec eux et j'm'occupe de vodka. Ils ont fini par sur ceux qui ont voulu rodka. Oh, ils veulent ma peau. J'connais ces fils de pute, ils veulent ma peau. Ils vont tous venir manger dans ma paume. Sur moi j'ai mon calibre, ils veulent ma peau. 3 heures en bas de chez toi, il me faut ta peau. J'ai du midi milieu.